Salut, salut, cet enregistrement est fait le dernier lundi du mois, et comme tous les derniers lundis du mois, ou presque, c'est joie, rage et courage. Alors cette émission passera peut-être un jour sur les ondes hertziennes, peut-être aujourd'hui ou un autre jour. En tout cas, elle sera mise en ligne sur le blog de l'émission, joie-rage-et-courage.noblogs.org, ainsi que sur le site de la radio, de Radio Dio. Aujourd'hui, en fait, l'émission de mars et d'avril devait être consacrée à nos victoires et nos défaites en lien avec le festival ou l'événement Cause Toujours, les Ondes des Zones, un événement autour de Lorraine Cœur d'Acier, l'expérience radiophonique à Longwy. Et du coup, voilà, on voulait, dans ce cadre-là, faire deux émissions sur les victoires et les défaites. Mais la situation actuelle fait que les programmes sont bouleversés, que cet événement est repoussé à une date ultérieure, que tout est un peu sous cloche. Bref, difficile dans cette émission, dans ce cadre-là, de faire une émission, car il y avait plein de sujets... aborder, que ce soit notamment tous les profiteurs de la maladie, que ce soit le flicage qui se met en place avec notamment les projets d'applications sur téléphone pour contrôler les déplacements, comme ça fait déjà dans plein pays. Il y a plein de sujets sur les lois qui sont en train de passer, avec des retours en arrière sur le temps de travail, sur le fait aussi qu'ils passent des lois simplifiant l'implantation des antennes 5G en douce pendant cette crise. Et puis il y a plein de choses à dire sur la notion de crise, sur la notion de guerre, car on est en guerre et depuis bien longtemps. On est en guerre de classe, et cet événement, cette épidémie, elle permet une mise en valeur, une accélération de plein de choses, et certainement qu'elle bouleversera. C'est difficile à chaud de parler de tout ça. On voulait aussi parler de tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans les prisons, que ce soit en Italie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, toutes les évasions, toutes les mutineries, toutes les protestations collectives. Un quart des prisons françaises ont été touchées par des mouvements collectifs ces derniers jours. C'est compliqué de faire ces émissions, de faire une émission et de la tenir à jour. Surtout qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ce son sera diffusé. En deuxième partie de Joie, Rage et Courage, on va diffuser une émission qui est devenue quotidienne sur Paris, qui s'appelle L'Envolée, l'émission L'Envolée, qui parle de la prison et qui revient quotidiennement donc sur les mouvements et sur les protestations, sur ce qui va se passer. Il s'est passé notamment des choses également à Saint-Thé, à la Talo, où il y a eu des blocages. Certainement qu'on sera amené à Joie, Rage et Courage ou sur le site le numéro 0 à voir passer des choses la suite des mouvements, et aussi certainement des soutiens à faire par rapport aux lutins. Bref, difficile on a abandonné cette idée d'avoir ça, et donc on va diffuser en deuxième partie la dernière émission de L'Envolée, qui revient un peu sur une chronologie de tous les événements. Du coup, Joie, Rage et Courage se réduit à un texte qui a été écrit rapidement, un texte de réaction par rapport à tous ceux qui en ont marre d'entendre que c'est trop bien cette période de confinement, car ça nous permet d'écouter les oiseaux, de se recentrer sur soi-même et de lire Proust. Un texte de personnes confinées adressé aux autres personnes confinées. à toi mon vieux qui fut le premier confiné, qui n'est pas entendu et qui ne le sera plus, pour toi à qui on amène des housses mortuaires avant des masques, pour toi qui n'es pas compté car tu ne comptes plus. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi le mutin en prison ou en centre de rétention, à toi qui es placé au mitard car tu es malade, toi qui brûla la prison à Usherche, qui bloqua à Grasse, Béziers, La Tolosière, etc., etc., toi qui fais face aux matons, aux hérisses, aux juges, toi à qui on confisque la voix pour la donner aux matons, toi qui subiras la répression des prétoires. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui crèves à Idlib ou à la frontière grecque, à toi qui sais ce que c'est que la guerre, à toi qui es enfermé au centre de rétention. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. Pour toi qui sera testé positif et qui sera de nouveau confiné. À toi que les potes manquent. À vous qui vous organisez des retrouvailles au coin d'une rue, sur un parking de supermarché ou dans un bois. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui es en manque, qui tourne en rond, ou pour qui ça tourne plus très rond. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui habite Mayotte, la Guadeloupe ou ailleurs, qui a vu ton territoire en premier militarisé. Comme le dit le LKP, tout virus mauvais, qui sait Covid-19 au bain colonialiste. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui as du mal à rester enfermé dans ton HLM, à toi qui es montré encore une fois comme la vermine qui répand la maladie, toi qui subis le harcèlement policier, les amendes et la tôle. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui es malade mais qui n'a plus accès à tes soins, à toi que la maladie te fait oublier cette pandémie, que la distanciation sociale ne fera que renfermer encore un peu plus sur toi-même. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À celle qui se tape la triple journée de boulot, travail ménager, télétravail et travail de prof, à toi qui subis ton conjoint violent, à toi que l'amoureux devient complètement con. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui as un proche qui part et qui ne peut pas l'accompagner, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui se trouve seul au milieu de la métropole urbaine, à toi qui te retrouve seul au milieu de rien, à toi l'isolé dans un foyer de jeunes travailleurs ou dans une résidence étudiante, à toi qui te retrouve au fond d'un hôpital psychiatrique, à toi qui es seul, isolé, coincé, à toi qui n'en peut plus d'être confiné avec d'autres, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui tourne en rond, qui confiné, se retrouve plongé dans une situation de léthargie, alors que tout va si vite, à toi qui te retrouve isolé et qui aurait besoin de trouver du commun. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui es parti t'occuper de ton vieux et qui galère, à toi qui aurais voulu le faire et qui regrette, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui te retrouves en première, deuxième ou troisième ligne, comme chair à canon d'une guerre que t'as pas choisie, à toi qui te retrouves en contact avec les malades, qui ne comptent plus tes heures et qui se fait mépriser par des cadres administratifs, à toi qui as vu les services de santé se faire démanteler, toi qui tires à la sonnette d'alarme, toi qui as fait plusieurs mois de grève et qui ne récolta que silence et mépris. Comme ils disent à Madrid, c'est le peuple qui sauvera le peuple. Les généraux, eux, n'amènent que la mort. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui voudrais avorter et qui te retrouve dans une situation tellement compliquée. À toi qui devais partir en Espagne pour le faire et qui ne peut plus y aller. À toi qui est là-bas et qui se retrouve bloqué. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui tousse et qui psychote d'être le futur foyer de l'épidémie, à toi qui es malade enfermé, à toi qui es sur un lit intubé, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi qui va pas tarder à arriver, actuellement dans un ventre serré par l'anxiété d'un accouchement qui risque d'être compliqué, à toi qui ne comprend pas que les adultes soient stressés, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus faire ses câlins à ses potes, à toi qui vient d'arriver et à qui on va pas mentir sur l'état des lieux, mais je te jure, avec joie, rage et courage, on peut y arriver. À toi qui trouves que ne pas aller à l'école, ça fait du bien, et à ceux et celles qui n'en peuvent plus d'être avec leurs darons, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À ceux et celles qui rêvent de la nuit de partir en voyage, à toi qui décides de partir et d'éviter tous les barrages, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À ceux et celles qui transmettent de l'énergie, en criant par la fenêtre, sur le net ou sur les ondes hertziennes, à toi qui la voix est étouffée par les murs ou une gorge trop serrée, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. À toi la travailleuse ou travailleur du sexe, à toi qui tape la manche et qui subit les contrôles policiers, à toi qui enchaîne les plans au black et qui se retrouve dans la merde, ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. toi qui prends goût à ne pas taffer, toi qui ne vas plus avoir ton CDD, toi qui taffes car t'oses pas te remettre en retrait, toi qui reçois des nouveaux process d'hygiène et sécurité par ton N+5 qui télétravaille depuis sa maison de campagne. Ces mots, joie, rage et courage, ils sont pour toi. La joie, la rage et le courage ne seront jamais confinés. Car pour faire face à ce monde et l'attaquer, il va falloir de la joie, de la rage et du courage. Rendez-vous les derniers lundis de chaque mois à 13h. À chaque fois, un thème est abordé à travers des sons, des textes, des interviews. Le tout mixé à la rage, mais avec joie, rage et courage. Alors retrouvez-nous sur le 89.5 de Dio ou alors sur joie-rage-et-courage.noblogs.org. Et moi, vous m'aurez pas comme ça! J'ai mieux crever dans la forêt que dans vos crèches ou dans vos pensions. Jamais vous me retrouverez. Jamais. Mort aux vaches. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur l'Envolée. Nous sommes jeudi 26 mars. Il est 18h10 et nous sommes partis pour l'émission habituelle d'une heure et demie pour en finir avec toutes les prisons. Du coup, aujourd'hui, dans la salle, d'abord, il y a au bocal Manu. Il y a moi-même, K, je suis mal poli, donc je l'ai dit en premier. Il y a aussi Floréal. Salut à toutes, salut à tous. Il y a aussi, je sais plus comment on t'appelle, Pierrot, c'est ça? Oui, il doit être là. Il y a aussi Serge. C'est ça. Il y a Alex. Et il y a Nol, s'il est encore là. Du coup, si je me trompe pas, Pierrot, tu vas nous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine. C'est bien ça? Je ne sais pas si c'est un résumé total. On va dire que depuis une semaine, on a annoncé la semaine dernière qu'il se passait un grand renfermement des prisons partout en France. C'était l'annonce de la semaine dernière de Nicole Belloubet, la sinistre ministre des tribunaux et des prisons, qui, après avoir envoyé une note détaillée, comme on dit dans ce fameux ministère, en début de mois, vers le 3 ou le 4, à toutes les détentions pour dire qu'on se préparait vraiment super bien à ce qui allait se passer. C'est ironique, évidemment. Une semaine après, vers le 10, elle a annoncé qu'un certain nombre de mesures avaient été prises dans les détentions pour préparer l'arrivée du virus, du Covid 2019, là. Et puis, assez vite, en disant que dans certaines prisons, des cellules seraient préparées pour accueillir les gens qui seraient malades. Et puis, rassurant ces syndicats, la semaine d'après, en début de semaine dernière, avant qu'on fasse notre dernière grande émission, annoncer finalement la coupure et la fermeture, au moment où tout le monde était confiné dehors, la fermeture de tous les établissements pénitentiaires aux visiteurs, c'est-à-dire aux familles de prisonniers et de prisonnières, et la fin des parloirs, la fin des activités à l'intérieur des détentions, au nom de la protection des gens qui sont enfermés à l'intérieur, et au nom de ce qui se passait à l'extérieur, en disant, si dehors, tout le monde est confiné, il est normal qu'à l'intérieur, on confine à l'intérieur. Sauf que, évidemment, une prison n'est pas comme n'importe où ailleurs, on le sait, et du coup, ce confinement n'avait pas de sens, et en tout cas, a été pris comme tel, comme une mesure à la fois arbitraire, très violente et très brutale par énormément de prisonniers à droite à gauche en France, qui ont réagi très fort et très vite en disant « Vous nous coupez la dernière liberté qui nous reste ». On a publié sur le site internet et on a alimenté tous les jours une émission de radio de 15 minutes qui reprenait des témoignages de prisonniers qui racontaient qu'est-ce que voulait dire cette mesure très brutale qui s'abattait sur eux, c'est-à-dire ne plus voir de leurs proches, ne plus avoir accès donc à ce tout petit reste de liberté qui consiste à avoir sa famille et ses proches, pour les maisons d'arrêt et pour beaucoup de centres de détention, d'avoir accès à son linge, et puis d'avoir accès en fait aux informations de l'extérieur. Donc c'est une espèce de truc qui s'est abattu sur toutes les détentions, ça a mis 3 jours la semaine dernière, et ça a occasionné évidemment beaucoup de réactions à l'intérieur, donc des témoignages qui sont sortis, qu'on a relayés tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'on a enregistrés, qu'on a diffusés le plus possible, qui ont eu un petit peu d'écho à l'extérieur. Et évidemment, c'est encore l'occasion de dire qu'il faut continuer à faire ça parce que des gens se mettent à écouter cette réalité un petit peu pour la première fois. Donc, c'est encore un appel à l'intérieur. Tous les gens qui ont fait ça, bravo, continuez à le faire. C'est difficile de le faire, on le sait, mais ça vaut le coup parce qu'à l'extérieur, ça circule un petit peu. On essaye de faire ce qu'on peut pour que ça circule. Ça a même été repris dans certains grands médias et c'est une bonne chose. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on espère que ça continue à le faire. Là-dessus, des annonces au compte-gouttes de la ministre sur lesquelles on reviendra pendant cette émission. Qui petit à petit renferme de plus en plus les détentions. Et là, on est en deuxième semaine de cette histoire-là, après qu'il y a eu beaucoup de mouvements, notamment le week-end dernier, puis tous les jours en fait, hein, mais notamment le week-end dernier, notamment à Béziers, à Userche, un petit peu partout en France. Et là, on arrive à un moment où ça commence à être la gestion quotidienne de cette histoire-là pour l'État, où beaucoup de gens commencent à être contaminés ou avoir peur d'être contaminés à l'intérieur. Du coup, on va essayer de revenir là-dessus aussi. Et où les syndicats de matons commencent à se positionner et à, eux, foutre la pression pour obtenir encore plus de mesures restrictives à l'intérieur pour se protéger eux-mêmes. Voilà, c'est un petit peu ça, l'ambiance générale. À côté de ça, les mesures annoncées par Belloubet, on va essayer de les détailler et de comprendre ce que ça veut dire en termes d'éventuelles sorties de prisonniers. Et on va voir que c'est évidemment pas du tout l'amnistie générale que nous, on défend très très fort dans cette émission. Je rajoute une chose à ce que tu viens de dire. Je voudrais juste dire que c'est dans cette période-là, cette semaine qui vient de se passer, on a vu un truc quand même assez dingue. On a vu des associations dehors qui ont toujours défendu très mollement les prisonniers, prendre carrément des positions radicales en disant il faut vider les prisons. Et on a vu même l'association des juges d'application des peines dire ça. Et ça, c'était quand même un truc assez fou. Alors évidemment, ils n'ont jamais dit qu'il fallait vider l'intégralité des prisons. Mais tout le monde est monté au créneau. Donc ça, c'est quand même aussi... Il y a aussi cette ambiance-là à laquelle va répondre Belloubet, quoi. Et pour compléter, juste, et pas du tout pour paniquer, ni pour dire que ces chiffres sont forcément les bons chiffres, mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans les médias, on lit qu'il y a un maton qui est mort qui travaillait à Orléans-Saran, qu'il y en a 90 qui seraient atteints, que 1270 d'entre eux auraient des symptômes et que 13 prisonniers ont été testés positifs et que 400 présenteraient des symptômes de Covid-19 aussi. Donc on est dans une situation alarmante et c'est pour ça que là, nous, on essaye de prendre le temps d'en discuter calmement, même si on sait que c'est super chaud à l'intérieur et que tout le monde doit être aussi très anxieux à l'intérieur ou dehors pour ses proches, mais qu'il y a plein de choses à savoir aussi pour garder la tête froide. On le rappelle, à l'envolée, ce qu'on dit tout le temps, et là on le dit encore plus fort que jamais, les prisonniers ont raison de se révolter. Et on part de là. Pour ceux qui écoutent cette émission pour la première fois, c'est comme ça qu'on parle. On n'est pas en train de remettre en question la parole des prisonniers. Là, on soutient les mouvements et on est pour que les prisons se vident maintenant. Il n'y a pas à discuter, là la situation est trop grave. Elle est grave en général, mais là on sait très bien que les gens sont enfermés dehors, un peu, ils goûtent un petit peu de ça, ce qu'on appelle un peu, hein, ils goûtent à ce qu'on pourrait dire une semi-liberté. Mais qu'est-ce qui se passe en détention ? Ça se durcit encore plus. C'était déjà l'enfer et quasiment les prisons, les prisonniers maintenant sont dans la prison de la prison, sont dans le mitard. Tout le monde est dans cette situation-là. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut diffuser ces messages, qu'il faut faire pression pour qu'il se passe quelque chose. Ces mouvements disent pas autre chose dans le fond. Donc nous qu'est-ce qu'on fait ? On se fait les porte-voix de ça au maximum. Nous on n'est pas là pour parler à la place des prisonniers. Les prisonniers le font très bien, mieux que quiconque. Donc on relaie ça. Je vais prendre un petit temps pour essayer de démêler un petit peu les annonces de Belloubet, etc. Parce que là, c'est très compliqué de bien comprendre ce qui s'est dit. Mais on va commencer par dire l'intention générale de Belloubet. Donc il y a un peu, il y a les prisonniers qui disent « sortez-nous ». Il y a des associations un peu dehors qui disent « il faut vider les prisons ». Et Belloubet fait des annonces qui ont l'air d'aller un petit peu dans ce sens-là. En tout cas, c'est un petit peu ça qu'on a comme écho. Mais en fait, et ça, on va vraiment le développer, c'est en fait l'État actuellement se donne les moyens pour que les prisonniers restent enfermés. Et c'est cette logique-là qu'il faut bien comprendre ce truc-là. C'est ça qu'on va essayer un petit peu d'expliquer entre les lignes. Donc il y a une annonce comme ça qui est faite ce matin où il y aurait entre 4 et 500 personnes, 5000 personnes, pardon, qui seraient en mesure de sortir. C'est ce que nous dit Belloubet. En fait, il y a déjà une grosse arnaque là-dedans, c'est qu'on ne comprend pas bien de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit en fait de mesures de gens qui ne vont pas rentrer en prison, donc des mesures qui concerneraient la justice, qui seraient à destination des tribunaux et des parquets ? Ou est-ce qu'il s'agit de sortir des gens effectivement de prison aujourd'hui ? Déjà, rien que là-dessus, il y a une embrouille sur les chiffres. Et on se rend compte surtout que les annonces de Belloubet, hein, qui vont dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire, etc., et de ces ordonnances qui sont passées un peu comme ça, elles concernent, quand elle dit « oui, alors bon, là, tout de suite, il y a 1600 personnes qui ne seront pas incarcérées ». En fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une baisse de l'activité des tribunaux, il y a des reports des mises en exécution des courtes peines. Bref, il s'agit effectivement, dans les faits, de gens qui ne vont pas tout de suite rentrer en prison. Donc il ne s'agit pas de sortir des gens ou très peu. Et les mesures d'exception qui seraient pour des prisonniers en fin de peine, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle parle de circonstances exceptionnelles. Pour réduire les peines, allons jusqu'à 2 mois. Elle parle de ça comme ça. Pour les condamnés qui auraient des peines de moins de 5 ans, finalement, ça serait les 2 derniers mois se passeraient peut-être sous assignation à résidence à domicile. Ou alors, quand il resterait 6 mois de prison à faire, ça serait converti en tige. Bon, tout ça, c'est des annonces. Et de toute façon, pour les 6 mois reconvertis en tige, qui seraient exclus de fait, les condamnés pour crime, pour terrorisme, pour violence conjugale, et on va y revenir, ceux qui ont participé au mouvement. Et les décisions, de toute façon, ne se prendront pas automatiquement. Et encore une fois, il faudra l'avis du PROC, ça sera fait, et du SPIP, et ça sera fait par au compte-gouttes. Et surtout, là c'est assez dingue, c'est qu'il n'y a pas de mesure du tout pour la détention provisoire. Et alors là, voire même, il est question de rallonger cette période-là. Parce que évidemment, l'administration est à la bourre, ça se complique, etc. Donc pour l'instant, effectivement, il est juste question que les gens restent plus à l'intérieur. Alors évidemment, on pourrait détailler, il y aurait plein de choses à dire, hein, mais c'est un peu du délire, ce qui fait qu'effectivement, les mouvements continuent. Dans ce que dit Belloubet, elle répond même pas au dixième de ce qui lui a été proposé par ces fameuses associations dont tu parlais, Floral, précédemment, là, qui vont du contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, à l'OIP, en passant par effectivement les juges d'application des peines, en passant par le syndicat des avocats de France, en passant par le syndicat de la magistrature, qui, pendant une semaine, la semaine dernière, se sont à peu près mis d'accord pour proposer des pistes, en fait. Et ils ont essayé d'anticiper sur le fait que la ministre allait être en galère et allait devoir faire face à une situation hyper compliquée, que les prisons sont occupés par 70 000 personnes pour 60 000 places officielles, dans des cellules qui très souvent sont collectives, donc dans lesquelles le confinement ne peut pas s'appliquer. Alors on applique le confinement à l'extérieur en disant « vous n'aurez aucun contact avec l'extérieur », et c'est pour ça qu'après les prisonniers réagissent à l'intérieur en disant « oui, mais en fait à l'intérieur, il n'y a pas de confinement possible ». Donc de deux choses l'une, soit on peut se confiner correctement à l'intérieur, soit vous nous laissez sortir. Donc, face à ça, elle répond même pas au quart de ce qui lui est proposé, puisque, comme tu le dis, certaines propositions allaient dans le sens de dire libérer, par exemple, tous les gens qui sont en préventive, c'est-à-dire entre 18 et 20 000 personnes en France à l'heure actuelle. Elle répond pas du tout à ce truc-là. Elle répond pas au fait de dire les suspensions de peine automatiques pour des gens qui seraient malades ou qui seraient dans des situations d'immunodépression, dont la détention était vachement incompatible avec leur état de santé. Si en plus ils risquent de se faire contaminer, ce serait le moment de les laisser sortir, disent certaines associations, mais elle ne répond pas à ça non plus concrètement. Et sur toutes les gens qui seraient en fin de peine, à partir de quel moment on déterminerait quelle est la fin de peine, personne n'est tout à fait d'accord là-dessus, mais il y avait plusieurs propositions qui allaient dans le sens de plus ou moins large, quoi, et elle prend le tout petit bout du tout petit bout. Et c'est vraiment même, pour ces histoires de fin de peine, l'endroit où on en sait le moins. Et ça dépend vraiment de ces fameuses ordonnances, en fait, qui sont censées arriver pour expliquer concrètement aux avocats et aux prisonniers, aux prisonnières, pour leur dire, est-ce que oui ou non, vous rentrez dans les critères. Là, on est dans la phase où rien n'est clair de ce point de vue-là. Donc, effectivement, pour résumer, il y a une grosse annonce de 4 à 5 000 personnes. Et en fait, sur ces 4 à 5 000 personnes qui sortiraient soi-disant de prison, ce serait en fait sans doute majoritairement des gens qui ne rentreraient pas en prison, donc le début de la chaîne pénale, pas du tout des gens qui sont déjà parmi ces 70 000. Ce serait qu'il y ait moins de gens qui rentrent dans les semaines à venir. Voilà. Pour ne pas rajouter en fait et des gens en prison et de la contamination potentielle, parce que c'est ça ce qu'elle pense à cet endroit-là. Ensuite, sur les sorties, ça va être, c'est vraiment la période à essayer de, c'est la période où on va essayer de démêler, mais qui est très compliquée. Puis, en fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est que la ministre des tribunaux et des prisons, elle a fait en sorte aussi que toute la chaîne pénale, elle continue de fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, elle avait fait tout un document dans lequel elle expliquait comment les gardes à vue, elles devaient pouvoir se tenir, même s'il y avait tous les médecins qui étaient réquisitionnés et que donc les personnes ne pouvaient pas avoir l'examen médical comme normalement c'est nécessaire et tout. Donc, en fait, on voit qu'il y a des beaux effets d'annonce et tout ça, on dit qu'on va sortir et tout ça, et en parallèle de l'autre côté, mais c'est aussi un peu ce que tu disais aussi, enfin c'est aussi ce que tu disais Floréal, c'est que on essaye de garder un fonctionnement quasi normal de la justice, mais toujours au détriment de qui, des prisonniers et des personnes qui se retrouvent dans les box. Et donc voilà. Et il y avait une autre décision qu'on n'a pas vraiment trop développée là pour l'instant, mais qui fait partie de ce qu'ils ont appelé l'état d'urgence sanitaire, qui n'est pas une utilisation de l'article exactement, mais en fait qui donne aussi des pleins pouvoirs, où à travers des décrets, ils font sauter tous les délais ça s'appelle les délais légaux, mais c'est des délais d'attente en fait pour les moments où les juges ils ont le droit de donner leur réponse. Et donc pour ça, par exemple, pour toutes les demandes de remise en liberté qu'il peut y avoir pour les personnes qui sont en détention provisoire, normalement on doit répondre au bout de 9 jours. Ils avaient déjà produit déjà initialement dans ce document là dont je vous parlais à l'instant des explications en disant vous pouvez utiliser cette justification là pour dire on n'a pas répondu dans les 9 jours. Et là en fait ils l'ont directement inscrit dans la loi à travers leur décret grâce à ça. Donc en fait ils sont en train de quand même, enfin tout en disant non mais on va vider les prisons et tout ça, en fait ils font en sorte de mettre en place des lois et autres qui font que même si la justice il n'y a plus de juges, que certains anciens droits des prisonniers et des inculpés ne soient plus respectés. C'est un truc qui est, c'est pas du tout contradictoire, mais c'est là où en fait il y a une différence entre les effets d'annonce et dans la pratique ce qui va se passer. C'est le bordel en ce moment. Donc il faut que les prisonniers, ça on s'en rend compte dehors, mais il faut que les prisonniers justement fassent des demandes, insistent. C'est le moment vraiment de faire pression en fait. Ça c'est pour dedans. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu. En tout cas, on voit bien les flottements. On discute avec des prisonniers qui sont en semi aussi et qui c'est vraiment le bordel complet. Donc c'est le moment en fait d'insister, de que les avocats soient sur le front, qu'ils fassent les demandes, que les avocats aussi. Il faut insister, il faut y aller. Et pareil dehors, il faut qu'il y ait des gens qui continuent en fait, parce que là il y a des gens qui ont demandé à ce que les prisons se vident. Il faut continuer à le faire. Ça c'est la période les annonces de Belloubet, elles sont là un peu pour éteindre le feu, mais en fait elles sont tellement confuses qu'il faut continuer en fait dans cette confusion. Il faut y aller en fait. Et je pense qu'il y a des possibilités pour les prisonniers là, pour qu'ils se saisissent de ça. Il faut que les courtes peines sortent, il faut que les préventifs sortent, il faut que les semis sortent. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire pression, il faut y aller là. Il y a vraiment moyen d'obtenir ça, en fait. Je pense vraiment que c'est la période est quand même ouverte. Moi, j'avoue que je serais peut-être pas aussi optimiste que toi, mais après, faut toujours, s'il y a des petites brèches, faut toujours essayer d'y aller et tout, quoi. Moi, j'avoue que j'ai un peu une crainte que ça soit globalement des effets d'annonce aussi pour donner raison à toute la pression qu'il y a eu médiatique. Il y a eu tellement de tribunes et autres qui ont été diffusées pour dire il faut libérer des gens. Que je pense qu'elle est obligée de faire ces effets d'annonce de communication, mais en fait, dans la pratique, ce qu'on voit déjà, et c'était ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est sur les entrants de prison, mais c'est jamais sur les sorties après derrière. Je pense que Pierrot, tu voudras aussi rajouter un truc aussi, c'est que ces demandes-là qui vont être faites, après derrière, ça se rajoute au dossier sur les longues peines et tout ça, qui peut-être pourront à long terme aussi être utilisées, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est dans une période assez floue, effectivement. Où dans son discours, elle est obligée de répondre au monde judiciaire et au monde des professionnels et au monde des surveillants de l'autre côté, mais ça, on le développera plus en long, un peu plus tard, parce que ça vaut le coup de le développer en long. Mais là, elle répond en fait aux professionnels de la justice et les professionnels de la justice qui lui disent « Vous êtes en plein délire, c'est une épidémie, c'est une pandémie jamais vue, il va se passer un truc de dingue en prison ». Il faut que vous relâchiez du monde. Du coup, elle répond à ça. Elle donne l'impression de répondre à ça. Elle temporise avec dans l'idée qu'elle ne libérera pas ou elle libérera très peu à la marge. Parce que politiquement, ça n'est pas intéressant pour elle de libérer. Et ça, je crois qu'on peut le dire, c'est assez clair. C'est-à-dire que, à l'image de ce qui s'est passé dehors, le traitement sécuritaire de la population et de la population pénale, c'est-à-dire des prisonniers et des prisonnières en particulier, est inversement proportionnel à ce que l'État n'a pas fait dans le domaine sanitaire. Pour le dire autrement, moins il a anticipé le fait que des gens allaient se contaminer, plus aujourd'hui l'État est sur des mesures coercitives, des mesures répressives et sécuritaires. C'est le côté « je n'ai pas été capable de vous protéger, mais maintenant je vais taper très fort » pour impliquer tout le monde dans cette idée de la guerre contre la pandémie, et je vais montrer mes muscles. Voilà. Et ça, ça va se faire, et ça se fait déjà aux dépens des prisonniers. Donc il y a quelques annonces pour occuper en fait le monde judiciaire et la galerie, et un peuple de gauche qui existerait et qui trouverait inadmissible qu'on laisse tout le monde mourir à l'intérieur si jamais ça devait exploser à l'intérieur en contamination. Mais en fait, Elle ne veut pas lâcher. C'est clairement le truc. Et effectivement, si l'ONU dit qu'il faut libérer des gens, si l'OMS dit qu'il faut libérer des gens, parce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire à l'échelle internationale, on dit qu'il faut vider les prisons, c'est un vrai problème et chaque pays est en train d'essayer de réagir à ça différemment. Là, en ce moment, la politique pénale par rapport aux gens qui sont à l'intérieur, elle reste fidèle à l'ensemble du reste de la politique du gouvernement. Et le reste de la politique du gouvernement, c'est d'avoir nié qu'il y avait un problème sanitaire pour finalement, après, taper du poing sur la table. Donc, au moment où elle tape du poing sur la table et où, à l'extérieur, on demande à tout le monde de se confiner et on file des peines de prison à nouveau, et ça, on pourra en revenir là-dessus plus tard, à des gens qui ne se conformeraient pas au confinement à l'extérieur, on peut déjà plus politiquement, quand je dis on, c'est la ministre, hein, vraiment, elle peut déjà plus libérer tant de gens que ça. C'est pas son objectif, en fait. Et effectivement, là-dessus, Serge, c'est clair que t'as raison, c'est de la communication d'État. C'est de la communication d'État là-dessus. Mais dans cette communication d'État, on est encore dans la phase intermédiaire où il faut pousser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pousser, effectivement. Il faut trouver les manières à l'intérieur de se révolter contre ce truc-là et de se battre collectivement, etc. Et individuellement aussi, en fonction de ces dossiers et de ces histoires personnelles, il ne faut pas négliger le fait qu'on peut tenter d'obtenir des choses qui ne serviront pas maintenant, forcément, mais qui, dans les dossiers, feront qu'à un moment, tu as été mis en danger parce que l'État t'a laissé à l'intérieur. C'est le cas d'une trentaine de prisonniers qui ont déposé plainte avec une avocate contre l'État, contre Belloubé en ce moment, en disant « Vous nous maintenez dans une situation de danger. » Et donc, on porte plainte dès maintenant pour dire « En nous laissant pas sortir, vous nous mettez dans une situation de danger. » Ça, c'est la stratégie, je dirais, de plainte, hein, qui peuvent être individuelles ou collectives. C'est déjà le cas, ça commence à se faire. Il y a tout ce qui s'est passé de révolte de gens qui gueulent tous ensemble, qui brûlent un quartier à Userche, qui pètent un mur dans une promenade, qui sortent des textes de revendication, et on va revenir là-dessus peut-être après une pause, mais il y a tout ça qui est dans cette période un peu intermédiaire, un peu bâtarde, là, qui dure encore une semaine, où pour certaines personnes, demander, c'est le moment. Je donne juste l'exemple de ce qui se passe à la santé en ce moment, en semi-liberté. C'est un quartier où il y avait 120 prisonniers, et il y en avait 40 qui étaient sortis en conditionnel avant-hier. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré des gens qui étaient à quelques mois de leur conditionnel pour libérer de la place dans le quartier semi-liberté. Peut-être parce que l'administration a en tête de se servir de ce quartier après pour avoir de quoi gérer et faire un espace Covid. On ne sait pas. Mais en tout cas, à cet endroit-là, ça a marché. Et il est possible que dans tel ou tel tribunal, dans telle ou telle prison dépendant de tel tribunal en France, ça puisse jouer et qu'à tel ou tel endroit, ils disent « il faut qu'on lâche un peu », même si au national, c'est pas massif et c'est pas 20 000 prisonniers ou prisonnières, peut-être qu'ici, ce sera 10 personnes, ici, ce sera 5, ici, ce sera 20. Du coup, si on arrive à comprendre un peu dans les jours qui viennent dans quel cadre peuvent s'appliquer ces petites brèches, il faut foncer, quoi. Et du coup, on va continuer juste après la pause musicale. Là, c'est Mathieu Macaneuf avec Be Careful. I say you got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this time, you cannot move like you're blind. No matter move. because you get left behind. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. No bother waste time cause you will get left behind. Then Babylon, you give us guns, you teach us to kill. Cut off me mother bread cause you want we do your dirty will again. Say we are suffer and a us to make a dime. Man if you work hard cause to be poor is a crime, yes. The system set up fi keep the black man dumb. Babylon them stand up and we facing at the ground again. Let's realize and open your eyes and give the wicked man them a surprise. You've got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. No bother waste time cause you will get left behind. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. You got to because you get left behind. Then Babylon, Babylon of the people drifting. In a them material world and them corruptive system. None of them beef, none of them swine king. Me say I love is the way to unite, which is the right thing. 2,000 years of slavery brainwash me people with story. Selassie I am a comfy way. That's why me know me mom and dad made me. To be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. No bother move because you get left be. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. No bother waste time cause you will get left behind. Then Babylon, you give us guns, you teach us to kill. Cut off my father bread, cause you want me do your dirty will again. Say we are suffer and a hustle every time. Man if we work hard cause to be poor is a crime, yes. Your system set up to keep the black man down. Babylon them stand up and be facing at the ground again. Let's realize and open your eyes and give the wicked man them a surprise. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. You cannot waste time cause you will get left behind. You got to be careful in this time. Know your role and try learn your line. In a this a time you cannot move like you're blind. No bother waste time cause you will get left behind. Then look ya know. Then watch ya know. Just look ya know. Vous êtes toujours à l'antenne de l'Envolée, nous sommes toujours jeudi 26 mars et je vais vous annoncer tous les réseaux sur lesquels vous pouvez nous contacter. C'est aussi pour ça qu'on est là, on est là pour relayer tout ce qui vient de l'intérieur ou les personnes qui voudraient contacter des gens à l'intérieur. Du coup, le Snap, c'est l'Envolée IDF tout accroché, donc L-E-N-V-O-L-E-E-I-D-F. Instagram, l'Envolée Journal, Facebook, la même chose, Twitter, L-Envolée tout accroché sans accent. Téléphone 07 52 40 22 48. Et pour nous écrire, c'est l'envolée à FPP, 1 rue de la Solidarité, 75 019 à Paris. Merci Christa. Bah, donc pour continuer à rebondir sur les décisions, en fait, aussi l'une des décisions de Belloubès a été d'annoncer que à tous les prisonniers qui auraient eu un comportement, je cite, exemplaire ces derniers temps, auront le droit à 2 mois de remise de peine supplémentaire. En réalité, c'est quoi ? C'est vouloir faire passer sous silence les prisonniers et qu'ils arrêtent de s'exprimer comme ils le font depuis une semaine. Dont on essaye de relayer la parole au maximum ici. Et donc, pour nous, c'est essentiel de redonner la parole. Et donc, là, on va vous lire ou vous passer des enregistrements ou des textes écrits qui ont été lus par des prisonniers durant ces dernières semaines. Et donc, pour rappel, nous, notre objectif, c'est de faire circuler au maximum la parole de l'intérieur. Donc, ces témoignages, ils sont déjà passés dans la quotidienne. Donc, le petit flash info qu'on fait tous les jours en cette période exceptionnelle. Et on appelle toutes les personnes qui le souhaitent à nous écrire, à s'enregistrer, à écrire des textos, à faire tout ce qu'ils veulent pour que la parole, elle sorte et qu'on puisse la faire circuler. Vocal de la maison d'arrêt de Seyss, reçu le 22 mars. Voilà où on est, une petite vidéo pour expliquer les conditions de détention avec le coronavirus. Nous ne sommes pas écoutés, nos cantines n'arrivent pas, donc pour l'heure, on a été suspendus. Personne ne se préoccupe de notre état de santé. On avait un co-cellulaire qui est parti avec le masque. On l'a sorti à 8h du soir de la cellule. On ne sait pas pourquoi, on ne va pas nous donner d'informations à son sujet. Aujourd'hui, nous sommes deux personnes encore en cellule. Nous représentons des symptômes de fièvre, le nez qui coule, la gorge qui pique. Nous nous plaignons au sein de l'administration. L'administration trouve une seule solution. Vous ne vous étouffez pas, il n'y a pas de souci à se faire. Donc moi, je fais une petite vidéo pour que je sens que dans pas longtemps, ça va commencer à éclater dans la prison. Beaucoup de problèmes en détention, des cantines qui n'arrivent pas, aucune manière de communiquer avec les familles, aucune manière de prendre contact avec nos avocats. Donc je pense qu'il faudrait trouver une solution au plus vite. J'appelle tous les détenus de la maison d'arrêt de Seyss à faire une révolution générale. Trouvez sur les réseaux sociaux, vidéo du centre pénitentiaire de Béziers. Ici la prison de Béziers, voilà, on est en confinement Covid-19. Aucune mesure a été prise pour nous les détenus. Pas de masque, pas de gel, pas de savon en cellule. On voit le personnel pénitentiaire tous les jours, les oxys qui nous ramènent à manger tous les jours. Pas de règles d'hygiène, rien. Apparemment nous avons eu deux cas de coronavirus ici, qui ont été placés en surveillance ou je ne sais pas où. Et qui n'ont pas désinfecté leurs cellules. Donc voilà comment ça se passe chez nous. Après nous avoir supprimé toutes nos activités, les parloirs, maintenant on est confinés dans nos cellules. Voilà, voilà. Donc un message qui s'adresse à l'État et à tous ceux qui régulent les pénitenciers de France. Message de détenus. Nous voulons un dépistage au cas par cas pour chaque détenu et membre de l'établissement pénitentiaire. Nous voulons que les agents pénitentiaires soient équipés de masques, car c'est eux qui rentrent et sortent de la prison. Donc c'est bien eux qui nous ramènent le coronavirus, et non nous, puisque nous ne pouvons plus sortir et nous n'avons plus de parloir. Ensuite, nous voulons plus d'informations sur cette situation. Cantine, parloir, sac de linge, activité, tout ce qui concerne la vie en détention. Car nous sommes informés d'une petite feuille accrochée sur une porte, c'est tout, on nous laisse comme ça. Les seules informations qu'on a, c'est à la télé, en regardant BFM TV. Ensuite, nous voulons du gel hydroalcoolique, des masques, du savon pour chaque détenu. Car ici, on n'a pas de savon de Marseille, ni de gel. Tout ce qu'on a, c'est du gel douche Tahiti. C'est quoi avec du gel douche Tahiti? Donc voilà comment ça se passe pour nous en détention. On nous offre la télé et 40 euros pour les indigents. Waouh, quelles belles mesures qui ont été prises par l'État, quoi. Si vous pouvez faire mieux, ce serait pas mal. Sinon, ça va chauffer. Vidéo du week-end dernier, d'une prison de l'Île-de-France non précisée, diffusée par Mediapart. Salut. En fait, je vous contactais aujourd'hui pour vous transmettre un message qui concerne la population carcérale, les prisonniers de France. Depuis que les décisions qui ont été prises récemment par l'administration pénitentiaire et le gouvernement, les prisonniers de France subissent un réel chaos, un calvaire, je dirais. Parce que, primo, on a des parloirs qui ont été suspendus, sachant que tout le monde sait que la famille est avant tout le moteur d'une bonne réinsertion et surtout permet aux détenus, aux personnes détenues, de mieux se canaliser et d'envisager l'avenir sereinement. Depuis qu'il y a cette épidémie du coronavirus, on est en danger, nous. On est chaque jour en danger parce que On a des intervenants, le personnel pénitentiaire qui régulièrement, chaque jour, travaille ici, au sein de ces établissements, font des va-et-vient entre le dehors et l'intérieur. Et ces personnes sont pour nous des personnes très dangereuses parce qu'ils pourraient nous contaminer. Sachant que des cas, il y a sûrement des cas qui sont présents dans les milieux carcérales. Et aussi, il y a une vérité qui nous est cachée. Le personnel pénitentiaire, lui, ne respecte pas les mesures de sécurité qui sont imposées par tout le monde, ne se protège pas, ne porte pas de masque, n'a pas à sa disposition des gels ou des lotions hydroalcooliques, chose qui pourrait permettre et surtout éviter toute une grosse contamination au sein du milieu carcéral. Chaque jour ici, les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur d'être contaminé et voire même la peur de mourir derrière les barreaux. Je sais que pour une société, avant tout, elle doit être protégée, mais en tant que prisonnier, nous pensons que nous avons encore une dignité et notre dignité ne doit pas être foulée au sol. Au quotidien, nous regardons les infos, les chaînes de télé, les chaînes d'information qui nous parlent de la vie à l'extérieur, mais aucune chaîne ou aucun média ne prend au sérieux la situation que subissent les personnes détenues actuellement. On est dans un isolement total, pas de contact avec nos familles. Pour ceux qui ont des parloirs, plus de parloirs, donc ça veut dire manque d'hygiène, sachant que pour des personnes en maison d'arrêt, on nous informe que le confinement doit être individuel. Il y a certaines cellules où les détenus sont à 4, 5, 6, voire 9, sans oublier les chiffres qui sont cachés. Et surtout, aucun kit d'hygiène n'a été distribué à la population carcérale. Chaque jour, c'est des situations, des contacts réguliers entre le personnel qui vient du dehors et des intervenants qui viennent du dehors pour travailler à l'intérieur. C'est des contacts où les mesures de sécurité, les distances d'un mètre ne sont pas respectées, où les fouilles à corps ne sont pas suspendues et sont maintenues chaque jour. Et ces gestes-là, ces comportements, voire même ces agissements, sont pour nous des dangers. Oui, on a été condamné, oui, on a été sanctionné, ou certains sont encore en attente de jugement, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être abandonné par la société. Il faudrait que des mesures courageuses soient prises par les personnes qui ont le pouvoir de décider, de faire en sorte que ces prisonniers qui sont sur le territoire français soient avant tout aussi protégés comme ceux qui sont actuellement en liberté. Parce que ce n'est pas une population à part entière. On est avant tout des citoyens français vivant sur le territoire français, étant même condamné, mais on a le droit à une dignité parce que tout le monde aspire à la liberté un jour. Nous n'avons pas, à aucun moment, on a eu le souhait de mourir, voire même crever derrière les barreaux, et on vous demande tout simplement de pouvoir relayer cette information afin qu'on soit sauvé. Parce que là, c'est un appel à l'aide, là. C'est un appel au secours, parce que plus personne ne parle de nous, on parle que du dehors. Même en regardant les informations ou les médias, on voit certains agents de police être protégés, masqués avec des gants, mais ici le personnel pénitentiaire n'a même pas les moyens de se protéger, n'a pas de gants, n'a pas de produits, voire même, encore pire, n'a pas tout simplement les moyens de faire face à la situation qui est actuelle, qui est dramatique, qui est chaotique, qui est vraiment dangereuse pour tout le monde. Ici, si il y a des centaines de milliers de détenus, si il y a une personne qui contamine le reste, mais je vous dis même pas, je vous raconte pas le chaos ou voire même les drames, les morts qui seront comptés ici dans les coursives ou dans les cellules. Donc s'il vous plaît, essayez de relayer cette vidéo. Et c'est juste un appel à l'aide, qu'ils prennent des décisions courageuses pour pouvoir soulager la population carcérale, le personnel pénitentiaire et l'administration pénitentiaire et qu'ils fassent le nécessaire pour que les mesures correctes et surtout d'hygiène soient prises rapidement. Merci. Message depuis le CD de Nantes, le 22 mars 2020. Vie en détention. Plus de travail, plus d'activité, promenade encore autorisée. À la moindre suspicion, nez qui coule, toussement, etc., confinement en cellule fermée minimum 14 jours. Ce qui sert absolument à rien. Les confinés prennent leur douche dans les mêmes que nous et ne sont pas désinfectés après leur passage. Pareil pour les poignées de porte, etc. De plus, maintenant que l'on sait ce qui se passe quand t'es suspecté, plus personne ne déclarera le moindre problème de peur de se retrouver dans cette situation. Aucun moyen de protection, ni gants, ni masque, ni gel hydroalcoolique. Si vraiment ça se déclare ici, je vous garantis que ça va se propager très vite. De plus, aucun test n'est fait sur les suspicions. Ils attendent 14 jours et c'est marre. C'est-à-dire que l'infection a le temps de s'aggraver, voire pire. D'après ce que je sais, il y a une bonne dizaine de suspicions qu'à confiner. Ensuite, psychologiquement, inquiétude, angoisse de ne pas revoir ses proches, maton distant, on croirait avoir la peste. Aucun de nous n'avons été condamnés à mort. La pression monte en détention, ça peut craquer à tout moment. Et tout ça risque de se durcir à partir de demain. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Donc là, vous avez entendu l'un des textes qui est sorti de Userch, qui est l'une des prisons sur lesquelles il y a eu une prise de parole très importante de la part de prisonniers, qui s'est aussi suivie par une répression assez folle, vu qu'il y a 300, donc plus de la moitié de la tôle, des prisonniers qui ont été transférés par mesure disciplinaire. Voilà. C'est un peu compliqué de faire toute la liste de ce qui s'est passé, mais on va la faire, donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. C'était aussi pour rendre aussi un big up à tous les gens qui sont bougés et qui ont aussi très fréquemment pris le temps de faire des revendications vers l'extérieur pour exprimer ce qu'ils avaient à dire et tout ça. Voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas retrouvé les dates. Pour beaucoup, il y a une partie de l'information qui nous vient par des contacts directs qu'on a à l'intérieur, donc c'est des informations qui sont clairement plus claires, et voilà. Il y a d'autres choses qui viennent aussi de la presse en général, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. On va parler comment les matons aussi essayent d'utiliser ça à leur fin. Donc il y a eu des mouvements collectifs à Reims, à Bar-le-Duc, à Bois-d'Arcy, à Réau, à Corba, où il y a des grillages entre les deux cours de promenade qui ont sauté, à Grenoble, à Villefranche, à Saint-Quentin-Salavier, à Éton, à Ducos en Martinique, où là, pareil, si vous avez plus d'infos, on serait vraiment preneurs. Voilà. Là, par contre, on passe aux choses sur lesquelles on a plus d'infos. Là, c'était les tours pour lesquelles on n'avait plus les dates. Donc, mardi dernier, donc il y a bientôt 10 jours, ça a pété à Varennes, Le Grand, Valence, Toulon, Saint-Étienne, donc à la Talaudière, à Perpignan, à Nancy, à Montauban, à Metz, à Maubeuge, à La Santé, à Perpignan, à Grasse, à Épinal, à Douai et à Angers. Pour le mercredi 18, je sais pas, enfin, j'ai pas, il y a pas de choses, mais c'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Excusez-moi, je l'ai plus dans la liste. Jeudi 19, ça a été à Argentan, à Nanterre, à Val-de-Reuil. Voilà. Vendredi le 20, à Coulaines et au Mans. Le samedi, ça a été à Aix, au Beaumet, donc à Marseille, à Béziers, à Kulen, donc deux jours d'affilée, en fait, il y a eu des mouvements là-bas, à Draguignan, au Mans encore, donc pareil aussi, deux jours d'affilée au Mans, à Luynes, à Nanterre, à Neuvic en Dordogne, et à Lille-Sequedin, et enfin à Varennes-le-Grand. Et donc, dimanche, c'est là où il y a eu le plus de mouvements, et en tout cas, ce jour-là où il y a eu à Userche. Donc, il y a eu à Carcassonne, à Fleury, à Limoges, à Longnes, à Maubeuge, à Meaux, à Nantes, à Nice, à Rennes-Vezin, à Saint-Malo, donc à Userche, je le disais. Serge, c'est un truc de fou, en fait. Tu as cité quasiment toutes les villes de France, c'est un peu fou. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus le contenu de ces mouvements ? Qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est vraiment un truc de dingue, parce qu'il y a quasiment un quart il y a eu des mouvements collectifs dans quasiment un quart des prisons en France, et je sais pas, enfin ça fait longtemps que je sais pas si ça a déjà été le cas historiquement, en tout cas sur les 15-20 dernières années. Alors c'est difficile, parce qu'en fait dans chacun des il y a eu des faits différents pour chacune des mutineries qui se sont déroulées, et aussi parce qu'on n'a pas toujours les informations qui viennent directement. De fait, c'est globalement des blocages à la suite de promenades. Ce qu'on peut quand même globalement constater, c'est que globalement, il y a eu beaucoup d'attaques de grillages entre les différentes cours de promenade. Donc vraiment, on voit un truc vraiment pour de volonté de se réunir. Je me souviens plus. Je crois que c'est à Nancy, si mes souvenirs sont bons. Je suis en train de chercher en même temps, parce que je suis désolé, la liste est tellement longue que c'est difficile avec tous les documents. Mais dans mes souvenirs, c'est à Nancy ou à Metz, peut-être plus à Metz, qu'il y a eu des cours de promenade où les gens après derrière se sont regroupés tous ensemble. À Metz, c'est ça, il y a eu quatre cours de promenade qui après derrière se sont regroupés tous ensemble et tout ça. Donc il y a vraiment ce truc qu'on peut constater. Et puis couplé aussi après derrière avec quelques peu souvent des petits départs de feu. Après, tout le problème de ça, c'est que souvent c'est des informations qui viennent donc de la presse, mais donc des matons, et qu'ils mettent l'accent là-dessus. C'est difficile de décrire concrètement. Ce qu'on sait, mais on en a déjà parlé la semaine dernière, je crois, par exemple, parce que ça, c'est des infos qui nous viennent directement, c'est par exemple à la santé, l'une des premières actions qui a été, après avoir bloqué la cour de promenade, ça a été de péter les caméras de vidéosurveillance, parce qu'on sait que c'est aussi par là que passe la répression. Donc globalement la répression, ça c'est globalement comment ça s'est passé, les mouvements collectifs, et donc je pense qu'il y avait vraiment une intention de faire un truc collectif, de casser les grillades entre les cours de promenade pour se réunir à encore plus nombreux. Mais donc il y a une répression quand même super sévère sur ces mouvements. Globalement les ERIS, d'après les informations qui nous sont données, et de nouveau qui viennent de la presse bourgeoise, comme on dit, il y a très fréquemment les ERIS qui sont venus, mais face à l'intensité de tous ces mouvements et leur nombre, en fait, elles ont souvent été aussi il y a souvent eu des keufs, des policiers ou des gendarmes qui ont été en soutien des ERIS et tout ça. Et au-delà de ça, la répression aussi, donc il y a eu des transferts disciplinaires très importants. À Userche, il y a eu 300, donc plus de la moitié de la prison où il y a eu des transferts disciplinaires. Et il y a aussi eu des gardes à vue qui ont été suivis de comparutions immédiates. On sait que c'est le cas, par exemple, à Varennes-le-Grand, où il y a eu deux gardes à vue et il y a une personne qui est passée en comparution immédiate, mais on n'a pas le délibéré. Et ce qu'on sait par contre, c'est pour Béziers, où il y a eu 5 prisonniers qui sont passés en comparution immédiate, et les peines de prison sont absolument effroyables, où c'est allé au maximum à 1 an de prison. Comme d'habitude, on décide de choisir des gens qu'on va leur coller l'étiquette leader, et c'est eux qui prennent. Et il y a eu des peines de prison hallucinantes. voire enfin des peines qui étaient de 6 mois ferme pour un crachat ou 6 mois ferme aussi pour un jet de projectile qui en réalité n'a touché personne, c'était bien précisé. Et qui s'avère être une bouteille en plastique. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment hallucinant. Mais je pense qu'en fait, ça prend bien forme dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, c'est que d'un côté, ce qu'on veut, c'est faire taire les prisonniers. Et donc, d'un côté, on leur promet que s'ils ont un comportement entre guillemets exemplaire, c'est-à-dire fermer sa gueule, tu vas avoir 2 mois de crédit de peine. Et par contre, si tu ne te laisses pas faire, tu vas prendre très très cher dans les tribunaux. Donc voilà, globalement, pour faire le point, il y en a tellement que c'est difficile de tout. Voilà, mais j'espère qu'on aura à peu près répondu, enfin, exprimé ce qui se passait. Quoi. Pierrot. Ce qui se passe, c'est que la plupart des mouvements et des gens qui témoignent de ce qui se passe à l'intérieur disent assez simplement, dans un premier temps, on nous empêche les parloirs avec l'extérieur et les prisonniers et les prisonnières à l'intérieur savent très bien que c'est une étape. Et du coup, beaucoup de gens disent en fait les promenades vont sauter, les cantines sont en train de sauter aussi dans certains endroits où les listes de cantines, on en parlait la semaine dernière, sont réduites à peau de chagrin. Et petit à petit, les surveillants vont être contaminés. Donc, ils vont fermer sans doute des ailes ou fermer des cellules ou être en moins nombreux dans les détentions. Et du coup, les prisonniers savent très bien et flippent de ça, à juste titre, de se retrouver enfermés, malades, seuls en cellule. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans toutes ces histoires de mouvements. Mais il y a très souvent le fait de dire « Donnez-nous soit des masques, donnez-nous du gel, donnez-nous de quoi nous protéger à l'intérieur de détention » ou deuxième chose, arrêtez de faire rentrer et sortir les matons, parce que sinon, ce qu'ils vont nous faire à nous, ça va être de nous confiner, nous, en cellule. Donc, au lieu de nous confiner, nous, en cellule, 24 heures sur 24, ce que beaucoup de matons demandent, et je pourrais enchaîner un petit peu là-dessus, parce que FO Pénitentiaire, syndicat majoritaire, depuis 10 jours, les communiqués pleuvent de toutes les directions interrégionales et de toutes les prisons de France pour dire... pour faire pression et commencer ce fameux bras de fer avec l'administration pénitentiaire en disant « vous ne nous avez pas donné de masque, etc. » Du coup, nous, on va commencer en fait à se protéger. Alors, on va mettre des masques nous-mêmes, on va exiger de nous faire payer nos heures supplémentaires parce qu'on va en faire plus, et puis sinon, on va exercer notre droit de retrait. En échange de ça, ils disent « si vous voulez qu'on ne fasse pas ça, si vous voulez pas qu'on bloque complètement les détentions et que ça pète complètement à l'intérieur », et bien du coup, autorisez-nous à fermer des coursives. Autorisez-nous à, par exemple, en centre de détention ou dans tous les régimes ouverts, où des cellules peuvent être ouvertes, où les gens peuvent circuler encore au sein d'un même quartier ou au sein d'un même bâtiment, ils sont en train de demander à ce que ces cellules soient fermées. Et ça, ça a commencé à être le cas donc après Userche, après Béziers, etc., dans certaines prisons. Ils ont commencé à fermer certains quartiers. Et là, ils commencent à exiger ça, en fait, pour dire, si vous voulez qu'on tienne le choc du mois et demi qui vient, autorisez-nous à fermer et à durcir aussi à la fois le confinement et la répression à l'intérieur. Donc c'est un vrai bras de fer qui se joue en ce moment et où la pression monte sévère. Donc les prisonniers, sachant très bien que c'est un rapport de force et que le truc monte, disent en fait c'est maintenant qu'il faut y aller. Et c'est ça ce qui se passe depuis une semaine. Et le fait d'exiger notamment que les surveillants arrêtent de rentrer et sortir, c'est couper l'herbe sous le pied aussi de ce que demandent eux les surveillants, parce que eux les surveillants ils demandent que les prisonniers soient enfermés à l'intérieur. Donc il y a des communiqués assez contradictoires de FO pénitentiaire où dans certains communiqués ils disent pour essayer de se mettre avec eux là, ils disent c'est surveillants et matons c'est matons et prisonniers dans le même combat, on va tous être contaminés, etc., aidez-nous. Et en fait dans les trois quarts des autres communiqués c'est en fait, donnez-nous les moyens de durcir, parce que et ils exigent même des sanctions pénales par rapport à ce que tu disais à la fin. Là, ils disent on veut être protégé, on veut qu'on nous paye nos trucs, et on veut avoir le droit de fermer des ailes, et on veut être sûr que les prisonniers qui se révoltent à partir de maintenant seront sanctionnés sévères. Et enfin, les fusils à pompe. simplement. Il faut le dire à peu près simplement. C'est ça ce qui s'est passé à Grasse, donc le mardi de la semaine passée. C'est ce qui s'est encore passé cette semaine dans au moins deux prisons en France où les matons ont tiré avec soit tirs de sommation, on ne sait pas ce qu'ils ont tiré, mais ils ont fait des tirs de sommation, soit ils ont tiré très clairement des balles en caoutchouc sur des prisonniers qui étaient dans les terrains neutres, là, c'est-à-dire dans les endroits entre deux grillages. Quoi. Voilà. Et des lacrymos aussi. Donc, voilà. Et des tirs de lacrymos, etc., à droite, à gauche. Donc, ils sont là-dessus. Et enfin, dernier truc, hier matin, prison de Perpignan, pour la première fois, des matons ont débrayé au moment de la prise de service. C'est-à-dire que les matons du matin, l'équipe du matin qui arrivait, a retardé sa prise de service. Donc, c'est le début pour eux. Ils commencent à monter le curseur pour dire à la ministre, attention, on va durcir et on va bloquer. On sait qu'on n'a pas le droit de retrait, mais on va bloquer, on l'a déjà fait, on va être capable de le faire. Faites attention, lâchez-nous des moyens. Vous voulez pas soit vous nous protégez, soit vous nous lâchez des moyens. Et donc, on peut lire peut-être le communiqué d'Uzerche. Allez. Revendication des détenus. Nous voulons un dépistage pour chaque détenu, ainsi que pour chaque membre de l'administration pénitentiaire. Nous souhaitons que tous les agents pénitentiaires, sans exception, soient équipés de gants et de masques. Ce sont eux les plus exposés au virus, car ce sont eux qui rentrent et qui sortent de l'établissement. Nous voulons être informés de l'évolution de cette situation. Qu'en est-il ? Les parloirs seront-ils rétablis ? Qu'en est-il des cantines ? Qu'en est-il des sacs de linge ? Qu'en est-il des soins médicaux en cas de coronavirus ? Et enfin, pour nous protéger, nous aimerions que chaque détenu ait du gel désinfectant et un masque à sa disposition. Le minimum en mesure d'hygiène actuellement. On peut quand même dire que c'est un des rares communiqués collectifs qui est sorti. Donc il a une grande valeur à ce compte-là. Là, on voit très clairement ce dont il y a besoin. C'est assez simple. Après, il y a les mêmes problèmes dehors. Ça rejoint tous les endroits d'enfermement. Hein. C'est aussi le bordel dans les hôpitaux psy et j'en passe. Voilà, mais effectivement, donc là, je pense qu'on a une bonne, on a quelques éléments entre la pression des matons, entre les différentes ordonnances. On voit un peu là, c'est vraiment l'étau, quoi. C'est vraiment l'étau. Et tout ça, c'est, quand je parle des hôpitaux psy, évidemment, il y a les centres de rétention qui sont pas très loin. Et je pense que je ne sais pas si on passe là-dessus, mais non, un petit mot avant de passer, je pense, à la question des centres de rétention, qui est un gros truc en soi aussi. Ouais. Dire que du coup, à l'intérieur, on voit des revendications de gens qui disent « Donnez-nous des masques, protégez-nous, on veut pouvoir se protéger à l'intérieur ». Nous, on ne peut pas dire grand-chose de ça, on n'est pas à l'intérieur, donc on ne peut pas parler à la place des gens à l'intérieur. On peut juste dire, vous savez, dehors en ce moment, il n'y a pas non plus de masque, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de protection, même dans les services sanitaires. C'est-à-dire que même, et vous le voyez à la télé, vous voyez si vous avez la télé, vous le voyez, etc. Il n'y a pas. La politique du gouvernement, ça n'a pas été de faire des tests, ça n'a pas été de donner des masques, ça n'a pas été de protéger les personnels soignants. Donc, ils ne vont pas non plus protéger tant que ça les matons. Peut-être que les matons vont finir par obtenir quelques masques en plus des mesures sécuritaires qu'ils vont obtenir, un petit peu. Mais en tout cas, ça va être très difficile pour l'intérieur d'obtenir des masques. On est dans un état où l'État français n'en a pas et n'en donne à personne. Alors, on peut juste dire ce que nous, par exemple, on fait aussi à l'extérieur, alors qu'on n'a pas de masque, si jamais on doit se retrouver en contact avec des gens. On se retrouve à parfois couper des manches de t-shirt pour se faire des micro-masques en coton, essayer de se mettre des écharpes quand on commence à tousser pour ne pas postillonner sur nos proches, etc. Et donc, c'est assez compliqué de faire ça. Personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. On peut juste se dire qu'il faut faire un tout petit peu attention avec ces gestes-là. Faire un tout petit peu se protéger le plus possible, même si le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas de masque, donc essayer de s'en faire et de se bricoler des choses pour soi. On en est là, c'est cette phase-là, elle est très compliquée, il faut essayer de pas tomber dans la psychose complète et de flipper des gens qui se mettraient à tousser autour. Et à ce sujet-là, il y a des petits guides qui sont sortis, par exemple aux États-Unis, parce qu'il y a plein de prisonniers qui sont dans ce cas-là aussi, où les gens disent, si des gens se retrouvent en cellule avec vous qui sont malades, en fait, qui commencent à avoir des symptômes, notez toutes les horaires auxquels ils commencent à avoir des choses, essayez d'exiger et de faire pression sur les matons. Et on sait très bien qu'en prison, c'est très compliqué d'obtenir l'infirmerie, le médical, etc. Mais du coup, notez les horaires auxquels vous demandez à ce que la personne ait accès à des soins médicaux. En fait, essayez de fabriquer ensemble une espèce de, comme on essaye de le bricoler dehors, une espèce d'autodéfense face à la fois à la maladie et face à la répression et face au fait que l'État ne nous aide pas à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, peut-être juste rappeler que cette épidémie, ce virus, il se transmet que par la bouche, le nez et les yeux. Du coup, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas non plus tomber dans une parano totale de si quelqu'un nous touche, on est foutu, par exemple. Et je voulais juste aussi rappeler que se laver les mains très régulièrement, même si c'est juste avec du liquide vaisselle, c'est très bien et c'est très important. Voilà. Le CHU de Grenoble... Donc voilà, on est sur un truc très sérieux et tout. Face à la pénurie de masques, a lancé partout sur les réseaux des patrons pour coudre soi-même des masques. Et c'est vrai que du coup, c'est parce qu'on se représente toujours le masque. On se dit « Ah ouais, non mais attends, il faudrait des masques de ouf, il faudrait des trucs brevetés et tout pour que ça soit efficace ». Bah justement, précisément, il dit, en fait, déjà rien que se mettre un petit peu de coton, un t-shirt devant la bouche, ça évite en fait de contaminer ses co-détenus, ses potes, etc. Et que c'est des trucs très simples. Et dehors, alors là, pour le coup, dehors, c'est la même affaire. C'est exactement la même affaire dehors. Évidemment, on n'est pas du tout dans les conditions extrêmes de contamination dans lesquelles sont les prisonniers et dans lesquelles vous êtes. Mais en tout cas, cette question, elle se pose aussi. Et pareil, dehors, les gens se disent « Ah, mais attends, il faudrait que j'ai un masque. Il n'y en a pas. » En fait, tu peux bricoler un truc. C'est même des centres hospitaliers universitaires qui le disent. Et du coup, ça passe uniquement par les postillons. Et on va écouter un tube tristement ironique, Mask Off, de Future. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitch. Two cups, toast out with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. Pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains, 33. Ocean now, yeah. Cruising Biscayne, hit fine. Top on, yeah. That's a liability, bit fine. Hit the gas, yeah. Boosting my adrenaline, bit fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, bit fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, bit fine. Represent, yeah. Gotta represent, gang, gang. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch, bit fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, bit fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask on. Big firm, Percocet, yeah. Miley Percocet, big firm. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch. Chase no bitches. Photo Maybach, I drive anything, yeah. Buy my reins, yeah. Make them go insane, yeah. My guillotine, drink with Melazine. Taking beams, yeah. Go to those extremes. Let's go, let's go. Parliament. Calamari wins, yeah. Parlay in Vegas, we was in attendance. Let's go, let's go. Before the business, yeah. Theodore lenses, Theodore prescriptions, yeah. Focus on the mission. Hold my intermission. Hold on. Never take a break. We can't pull up. Switch states. Switch down foreign plates. Speech. Ain't no way. Ain't no fucking way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rob the bank. We gon' rock the game. Again, they gang, we gang. Gang, but they are not the same. We been Percocet, yeah. Miley Percocet, be fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, be fine. Represent, yeah. Gotta represent. Gang, gang. Chase a chick, chase. Never chase a bitch. Be fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask on. Be fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask on. Be fine. Percocet, yeah. Miley Percocet, be fine. Chase a chick, chase. Yeah. Never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck your mask on. Mask on, fuck your mask on. Gas gun, never night on. Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée et on va faire un petit point sur ce qui se passe dans les prisons pour étrangers et les centres de rétention administrative. Ouais, du coup, je pense que ce qui a été dit là pendant l'émission, ça résume bien en fait ce qui a pu se passer au début dans les centres de rétention, c'est-à-dire les annonces de mesures de confinement dehors, les interdictions de parloir, donc les gens qui sont bloqués. Le truc, c'est que les centres de rétention, donc c'est des prisons pour sans-papiers. Les gens, ils peuvent y être enfermés jusqu'à 3 mois et normalement, ils peuvent être expulsés à tout moment. Sauf qu'un peu avant l'annonce des mesures de confinement, il y a déjà pas mal de frontières qui avaient fermé et donc il n'y avait plus de possibilité d'expulser pas mal de monde. Et donc, il a commencé à y avoir des mouvements à l'intérieur pour réclamer la libération de tous les prisonniers en centre de rétention. Justement parce que il n'y avait plus de possibilité d'expulser et que là, les centres de rétention, ils devenaient vraiment juste des prisons pour étrangers, quoi. Et donc ça commence à partir du 15 mars. Il y a une première grève de la faim qui concerne quasiment tout le centre de rétention de l'île Lesquin, donc avec plus d'une centaine de personnes. Le lendemain, ils sont rejoints par les prisonniers et les prisonnières de Ménil-Amelot. Donc c'est aussi une grosse tôle parce qu'il y avait plus de 200, enfin il y avait plus de 200 personnes qui étaient là-bas, de Vincennes, de Lyon, et il y a des révoltes aussi au centre de rétention de Metz. Et ça, c'est juste les choses dont on a entendu parler le 16 mars, quoi. Du coup, il y a ce moment-là où il y a les prisonniers qui vont commencer à exiger le plus rapidement possible leur libération pour éviter de rester les 3 mois enfermés dans le centre de rétention. Dès le 16 mars, pour prendre un exemple, la prison de Vincennes, dont on a souvent parlé ici, donc c'est le centre de rétention qui est dans la banlieue parisienne, au fond du bois de Vincennes, et qui est dans une école de police, où il y a deux bâtiments là, où il y avait presque une centaine de personnes qui étaient enfermées. Le lundi 16 mars, les policiers ils commencent à libérer des prisonniers, 18 prisonniers pour un bâtiment et 5 dans l'autre, en faisant croire qu'il y aura des libérations massives et qu'à 20h le soir, le centre de rétention il sera fermé. Et du coup, en fait, plus la journée avance, plus les prisonniers ils comprennent que s'il y a quelques libérations, en fait, ce n'est pas du tout des libérations massives et qu'ils sont plutôt juste en train de vider, enfin d'enlever certaines personnes du centre de rétention, quoi. Dans le même temps, il y a des rumeurs de centres de rétention qui vont fermer. Donc c'est le cas, par exemple, à Palaiseau, à Bordeaux, où il y a un moment, le centre de rétention il ferme jusqu'à ce que la préfecture elle renvoie des prisonniers et elle transfère des gens d'autres centres de rétention. Et donc, à Vincennes, les gens ils commencent une grève de la faim parce qu'ils captent que les mesures de libération elles n'arrivent pas immédiatement, qu'au final, ça commence à moins tomber. La première grève de la faim, donc, qui commence le 16 mars, elle s'arrête dans les jours qui suivent parce que les juges ils commencent à libérer de plus en plus de monde. Et finalement, en fait, le 21, donc le samedi d'après, il y a une nouvelle grève de la faim qui commence dans le bâtiment 1. Et c'est parce que les juges ils commencent à considérer qu'il y a suffisamment peu de personnes dans le centre de rétention pour que les mesures de distanciation sociale, ou je ne sais plus comment ils disent, le fait que le virus il puisse ne pas se propager et que les gens ils sont plus en sécurité là que s'ils sortaient, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, il va y avoir plusieurs grèves de la faim, tentatives de mouvement de collectif. On avait déjà lu des témoignages pendant les émissions quotidiennes cette semaine. Et là, en fait, on voulait déjà revenir sur un communiqué qui ont été écrits par les prisonniers du centre de rétention de Ménil-Amelot dans le centre de rétention 3. Et donc, il date du 16 mars. C'est au début des grèves de la faim dont je vous parlais. Donc, c'est juste après l'annonce de la suspension des parloirs, du confinement et de la fermeture des frontières avec pas mal de pays. Nous sommes retenus du CRA de Ménil-Amelot au CRA 3. Là, on est en grève de la faim, on ne mange pas. Le CRA 2 est aussi en grève de la faim, le CRA 1 de Vincennes aussi, et le CRA de Lyon et celui de Lille, il paraît. Il n'y a rien ici, il n'y a que la police qui nous enferme. Avec le virus, pas de visite au médecin, ils s'en foutent et les policiers traînent dans les couloirs, sans masque. Aujourd'hui, on a parlé avec le chef du CRA, il a dit qu'il s'en fout, faites ce que vous voulez. Maintenant, il y a les CRS devant le centre. La plupart des aéroports ferment, les avions sont coupés. Pourquoi on est encore là? On est comme des animaux, on est enfermés, comme en prison, sans qu'ils nous expulsent et sans avoir rien commis, et ça pendant 3 mois. Il reste que quelques pays avec des avions et ils continuent d'expulser. Il paraît qu'il y a des CRA où les gens ont été libérés, mais nous, on ne sait pas, on est toujours enfermés, et en plus, ils ramènent encore des nouveaux prisonniers. Aujourd'hui même, c'est pas normal. Au réfectoire, on était à 50 personnes dans la même salle. La CIMAD et l'OFI, c'est fermé, donc nous, on est au courant de rien. Pas non plus de nettoyage, si ça continue, on va faire nous-mêmes, mais sans produits ni protection. Vraiment, on nous a oubliés ici. Avec le virus, l'État pense à autre chose, le préfet même nous a oubliés. Ouais, du coup, peut-être pour expliquer deux, trois mots qui sont dans le communiqué, pour celles et ceux qui connaissent pas trop les centres de rétention. Déjà, il y a la CIMAD. La CIMAD, c'est une des associations qui est présente en centre de rétention. Donc, dans tous les centres de rétention, il y a une association humanitaire qui est là pour, soi-disant, faire du soutien juridique. En tout cas, c'est par elle que passe l'essentiel des recours, parce que pendant les 90 jours, il y a beaucoup de recours à faire pour essayer d'obtenir sa libération. En fait, dès le 16 mars, les trois quarts des associations, elles sont déjà plus présentes dans le centre de rétention. Donc, avant les mesures de confinement, les salariés, ils ont déjà arrêté de travailler. Mais dans la semaine qui suit, ils vont se mettre à travailler à distance en appelant les cabines, etc. Il y a pas mal de demandes de remise en liberté qui vont être posées dans pas mal de centres de rétention. Et c'est ce qui va conduire, selon les préfectures et selon les juges, à ce qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup de libérations. Il y a genre, dans les chiffres qui circulent parmi les assos, là, il y avait moins de 200 prisonniers hier dans les prisons pour sans-papiers, alors qu'il y a 1500 places qui sont ouvertes ces derniers temps, quoi. Donc, le deuxième truc, c'est l'OFI. En fait, l'OFI, c'est l'Office français pour l'intégration et l'immigration. Et c'est ce qui permet de cantiner à l'intérieur des prisons pour étrangers et étrangères. Donc, c'est ce qui permet d'acheter cigarettes, recharge téléphonique, gâteaux, etc., quoi. Et donc ça, pareil, dans pas mal de centres de rétention, il n'y a plus l'OFI qui est là ou de manière très réduite. Et vu qu'il n'y a plus de parloir et qu'il n'y a plus moyen d'envoyer des mandats dans les centres de rétention, c'est-à-dire que les gens, de toute façon, assez rapidement, ils se retrouvent sans rien, quoi. Et en fait, dans la presse, il y a pas mal d'infos qui ont circulé cette semaine, comme quoi les centres de rétention, ils étaient vidés. Comme quoi, peu à peu, ça allait être vidé. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un recours au Conseil d'État fait par le Justi et pas mal d'associations et d'avocats pour demander la libération de tous les prisonniers au vu de la situation sanitaire avec le coronavirus. En attendant, ce que l'État il a fait, c'est qu'effectivement, par les juges, il y a eu beaucoup de libérations dans pas mal de centres de rétention. Mais les préfectures, elles ont continué à envoyer des gens dans les centres de rétention, même ceux qui officiellement, pour certains, avaient fermé, comme c'était le cas à Lyon. Et ils ont envoyé principalement, et même quasiment que, des personnes qui sortent de prison. Et donc, c'est des personnes sans papier qui sortaient de prison. Et il y en a en ce moment à Marseille, à Oissel et dans quasiment tous les centres de rétention, quoi. Donc, il y a ce truc-là qui avait été décidé déjà depuis quelques temps, en fait, de la part de l'État, qui est de ne pas lâcher les personnes qui sont étrangers, étrangères et qui sont actuellement en prison, quoi. Et que même en ce moment, ils n'oublient pas. Voilà, quoi. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que du coup maintenant, donc les prochaines demandes de remise en liberté, elles sont plutôt sur des dates éloignées. Là, les audiences dont on entend parler, c'est plutôt pour le 7 avril, début avril, mi-avril, quoi. Et dans les centres de rétention, il commence à y avoir des gens aussi, comme partout, qui tombent malades. Il commence à y avoir des rumeurs, des stress, etc. Et on voulait relayer un communiqué du centre de rétention de Oissel, donc qui est, pour rappel, c'est il est aussi dans une école de police. Il est situé à 4 km de la gare de Oissel, qui est dans la banlieue de Rouen, et il n'y a pas de transport en commun. Donc quand il y a des libérations à 18h, 21h, en fait, les gens ils doivent marcher et espérer qu'il y ait un train encore pour aller à Rouen, quoi. Et ils ont sorti un communiqué hier soir pour exiger leur libération immédiate et pour demander des soins, parce qu'ils ont quatre camarades qui sont malades et qui n'allaient pas très bien, quoi. Communiqué des prisonniers d'Oissel le 25 mars 2020. Ce matin, 4 gars étaient malades avec des symptômes du coronavirus. Problèmes respiratoires, maux de tête, nez qui coule, éternuement. À l'infirmerie, l'infirmier leur a donné des comprimés de doliprane de 1000 mg et il a pris leur température. Aucun test n'a été fait pour savoir s'ils avaient contracté le virus. Les policiers sont venus nous distribuer des masques et ils ont dit aux 4 qui étaient malades de se confiner dans leur cellule et de rester loin. Les policiers rentrent chez eux tous les jours, ils quittent le centre et on ne sait pas ce qu'ils peuvent rapporter. Les infirmiers aussi peuvent nous contaminer. Les femmes de ménage n'ont ni gants pour se protéger, ni masque. À l'heure où on parle, il n'y a plus de savon pour se laver les mains, plus de gel hydroalcoolique. On a un téléphone collectif qu'on utilise tous pour recevoir les appels, mais on n'a pas de produit antibactérien pour le nettoyer. Les policiers n'ont pas de protection, pas de masque et pas de gants. On a des comprimés ici pour pouvoir dormir et l'infirmier qui nous donne les comprimés, il l'ouvre, met la gélule dans sa main, la met dans notre main et demande qu'on la prenne sur place. Même l'OFI, qui nous vend les cigarettes, gâteaux ou dentifrices, vient sans masque. Le petit déjeuner est servi par quelqu'un de l'extérieur qui donne des pains et lui non plus n'a pas de masque. Il n'y a pas de médecin. Ce matin, il y avait une sale ambiance. Ici, c'est vraiment la double peine. Il n'y a que des sortants de prison étrangers. Tout le monde regarde les infos et nous, on ne nous libère pas. Pour toutes ces raisons, nous, les prisonniers du centre de rétention administrative de Oissel, nous sommes en danger ici. On demande des masques, des gants, du savon, du gel hydroalcoolique, le rétablissement des parloirs ou des smartphones pour tout le monde pour pouvoir voir nos familles en visioconférence ou alors la libération de tout le monde et aussi des soins pour les malades. Moi, juste par rapport à ce que tu disais, je voulais juste rappeler que, en fait, il y avait quand même eu l'augmentation de la durée de détention, donc en janvier dernier, si mes souvenirs sont bons, ou encore janvier celui d'avant, je sais plus. En janvier 2019, pardon, mais que donc cette crise, en tout cas, on espère que on va pas avoir le Covid-19 tout le temps, mais et que dans 45 jours, il y aura plus ce confinement et tout, et donc après derrière, ils vont pouvoir renvoyer les gens et les garder en fait. Et donc clairement, enfin, on le voit clairement sur les sortants de prison, ils savent qu'ils vont pouvoir les garder 90 jours et après derrière pouvoir les renvoyer quoi. Donc, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc aussi. Et donc ça s'adresse qu'à vraiment une partie très distincte de la population parce qu'ils espèrent que tout ça sera fini dans 3 mois et que donc l'augmentation de la durée aussi elle participe à ça quoi. Ouais. Et comme je disais, là, il y a un recours donc au Conseil d'État qui se base sur le fait que vu que les frontières elles sont fermées, la détention elle serait illégale pour les prisonniers et que l'État il n'est pas en mesure d'assurer d'empêcher la propagation du virus parce que c'est beaucoup de salles communes et des fois des dortoirs, enfin un peu des cellules à 6 pour certaines prisons comme à Oissel. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce recours. Donc on donnera des nouvelles plutôt dans la quotidienne et on en reparlera la semaine prochaine. En attendant, ce qui est sûr, c'est que comme dans les prisons, en fait, l'État français, il a tâtonné et il savait pas exactement ce qu'il faisait au début, mais que sa logique, ça a toujours été d'essayer de continuer d'enfermer un maximum de monde tant qu'il le pouvait, quoi. On rappelle que là, vu le contexte, le plus important, c'est de continuer à relayer au maximum la parole de l'intérieur, que ça soit des centres de rétention administrative, ces prisons pour étrangers, ou aussi dans les prisons à l'intérieur. Voilà, donc relayer au maximum. Voilà, il y a plein d'endroits, il y a plein de communiqués. Voilà, et c'est vraiment, je pense, le plus important en cette période pour les personnes qui s'interrogent sur comment lutter de l'extérieur en ce moment. Voilà, c'est l'un des moyens, quoi. Ouais. Et du coup, je voulais juste rappeler que dans les centres de rétention, il y a des cabines où on peut joindre directement les prisonniers ou les prisonnières. Que ces numéros, on peut les retrouver sur le blog abalekra.noblog.org. Et que pareil, il y a des conseils là-dessus pour comment essayer de se présenter pour apporter de la solidarité aux prisonniers et aux prisonnières là-bas. Que dans tous les cas, même si les centres de rétention y fermaient, ça reste des lieux d'enfermement que l'État il va continuer à utiliser, même pendant la période de confinement. Je voulais juste dire que pendant le G7, le centre de rétention d'Hendaye, il avait été vidé et qui devait servir de local de garde à vue pour la répression, quoi. Et que du coup, c'est pas parce qu'on obtient la fermeture des centres de rétention pour les étrangers et étrangères en vue de leur expulsion que en fait l'État il va arrêter d'enfermer des gens dedans, quoi. Grave. On passe au coucou. Ouais, c'est la fin de l'émission. Je voulais quand même rappeler un petit truc, c'est que pour les gens qui nous écoutent, désolé, c'est un peu le bazar, mais en fait, on est un peu aux quatre coins de France et on s'enregistre par Skype. Du coup, c'est pour ça que ça peut être un peu haché des fois ou que le son est pas mortel, mais on pense que c'est très important de continuer à le faire. Et on voulait juste, avant de faire les coucous pour les gens à l'intérieur, faire un gros big up à Greg de Marseille, Greg de Paris et aussi Sylvia qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui mais qui bossent avec nous tout le temps pour cette émission et pour le journal aussi. un tout petit rappel aussi, parce que cette émission, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, elle est aussi disponible sur la FM. Donc un gros big up à toutes les radios qui nous rediffusent. Il y a FPP au 106.3 en région parisienne, du coup, tous les soirs de la semaine à 19h. Et à partir de maintenant, il y aura Radio Canute sur Lyon. Donc on rappellera la FM et tout ça sur les réseaux sociaux. Bah, je voudrais faire une dédicace à tous les mutants, hein, évidemment. Tenez bon, voilà, tenez bon. Et puis à tous les prisonniers, voilà. Force, courage et décontamination, comme on dit, voilà. Allez. Fallait bien la sortir, cette blague. Donc, il y a aussi à Serge, à Fren, et puis tout l'autre personne à Fren qui dessine. Voilà, plein de force à vous, et puis aussi au Co, je sais que vous écoutez ensemble. Plein de force et de courage à l'intérieur. Voilà. Alors moi, je voulais passer des coucous à Slim, Shelly, Gitan, DKP et CLR qui se reconnaîtront. Aussi à Sam, j'espère que t'es pas au mitard. À Rival à Châteauroux, comme d'habitude, toujours pas de nouvelles, j'espère que ça va. Et un gros coucou à Nabil aussi, qui se reconnaîtra vers Saint-Thé. Un salut à Christophe, à Fabrice. À Philippe. À Philippe, bien sûr, Philippe. Et même Monique aussi. Et à tous les proches, vous n'êtes pas tout seuls, on est ensemble, passez le mot, on fait passer le message et il n'y a pas d'arrangement. Ok, I can tell you how I first started in this rap shit. Mama kicked the nigga out, the house felt fantastic. Told my homies if you got a couch, know I'm crashing. Worry about my future, couldn't care about the past tense. Lost my grandmother and I haven't been the same since. Start to get anxious, I'm tired of this lame shit. Tired of the struggle, living family in the subdivision. Ramen noodles, drawing doodles wasn't in my fucking vision. But whose fault is that? Trying to stay all intact. Fighting all my demons, they be scheming, but I'm crawling back. And eventually flying, lately been mentally crying. Niggas resenting me, I am not for the industry lying. Life's a dream, but nothing is a fairy tale. Do you love me? I can barely tell. Cause I'm up and down, been all around, nobody's calling now. Why be in? So why be them? King Push. I could tell you how I first started in this rap shit. Eighth grade, back flipping on a mattress. Ninth grade, pack doing gymnastics. 10th grade, somersaulting all them crack flips. Asterisk, skip school, recorded with the Neptunes. We was making high school classics. Before I took a kilo and I wrapped it around the funeral with the casket. Yeah, coke avalanche like a landslide. Only grew my hair this long because my man died. Collect calls on them landlines. I press 5 to tell about the new test drive and talk fly. Ooh! Life's a dream, but nothing is a fairy tale. Do you love me? I can barely tell. Cause I'm up and down, been all around, nobody's calling now. So sinful, but through times, the good guys always win. Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP, 106.3 en région parisienne, ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Ils sont pas plus gains que nous, moi je te le dis moi. J'ai le ballon, je suis dans ton salon. Avec ton daron, de ta copine, j'envoie des talons. T'achètes des talons pour une carba, tu suces trop de bites. J'm'appelle 60, j'suis là de 60 millions de diamants. Ferrari, rapport, Véris, j'm'accroche dans ma sacoche. J'ai mis 3 glottes. Deux fois. Charbonneur non-stop. Fuck, fuck, fuck, fuck. Les gars.